De belles chansons, mais on fait des choses obscènes. En dehors des draps, nous deux, c'est que des problèmes. Je te pète à d'autres rappeurs, on partage la SACEM. L'amour était physique, les magazines disent qu'on s'aime. Mes pecs font des montagnes, mon zizard tire fesses. Tous les mecs fantasment sur ma princesse. Garde les mains dans ton fort, car c'est ma bitch, yes. Comme Kimi Kani, c'est pour le business. On le fait dans des palaces, tu prends ta grosse au F1. Dans la rue, je bois des flashs, vois des paparazzi. Les repas, les taxis sont payés par TF1. Nos sommets intimes, en couverture de voici. Mes parents la connaissent, ils l'ont vu à la télé. Papy la trompe charmante de Clara mène à Noël. Enfant, je rêvais d'elle, c'était la femme de ma vie. C'est pas éternel, nous deux c'était écrit. Nous deux, nous deux, nous deux, nous deux, nous deux. On fait l'amour en cavale. On roule comme Bonnie and Clyde. Faut pas te mettre entre nous deux, nous deux, nous deux. Nous deux, nous deux. En vrai, on s'embrouille à balle. Si demain tout part en l'air, ce sera normal. Pas baiser mes fans comme faisaient les Rolling Stones. J'vise des gros poissons comme Jennifer Aniston. Je tiendrai pas la main, il me reste du bras dans la paume. Elle est pas trop bavarde, mais elle sait parler aux hommes. Je joue les coupes modèles devant les caméras. La nuit je tape dedans comme dans une pinata. Elle veut que je sois en forme, que je prenne du kamadra. J'appelle par son prénom, c'est ma petite Amara. Elle a les courbes, elle le savoir. Je les préfère, je n'ai mes bulles. On l'a fait laver, pas de premier soir. Je sais que ma mère a l'âge de tes copines. Tu fais partie des ex que je rencontrais à mes gosses. C'était parce que j'étais beau gosse ou juste parce que j'avais la colle. Quoi qu'il arrive, t'es dans mon cœur, t'étais même dans ma chambre en poster. T'inquiète, un sex step, je veux pas la poster. Bang bang bang bang bang, tu m'as braqué mon cœur. Tang tang tang tang tang, ça va à mille à l'heure. Faut pas qu'on se laisse aller comme une passion qui s'entend. Faisons-le toute la vie, comme la première nuit. En vrai, on s'embrouille à balle. Si demain tout part en l'air,